sais pas ce que ça va donner. Oula. C'est pas mal ça. Je vais écouter ça dans ma manière. Bon allez. Faut que je bouge dans cette société qui ne veut plus de moi. Faut que je bouge. Bon.